Fato, ça joue les 6 gros, allez entendre, c'est tous des divans. Ces bâtards, soit au Kosovo, arme de l'Est sous le divan. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Fato, ça joue les 6 gros, allez entendre, c'est tous des divans. Ces bâtards, soit au Kosovo, arme de l'Est sous le divan. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Pote, tu veux un feat? Garde ton speech, ça m'intéresse pas, y'a pas d'arbitre sur un terrain de schlag. J'prends ton zé, j'me barre en Espagne. Petit recul, casque amovible, AK brûle son modif. Rien à, rien à, rien à gagner, rien à perdre, j't'allume son motif. Prends tout au premier degré, ramène de l'appel, tu vas creuser. Plutôt que de vivre comme un pauvre, j'préfère encore en crever. Ramène 3000 palos, ici ta formation est complète. Dans la rue, rien de complet, jusqu'à ce qu'un petit peu de rafale sur un complet. Balai, balai, couille, balai, balai, balai. Bleu, bleu, buenos dias, salam alaikum. Car on arrête de pépondre, puis quand les ennemis jouent les fa-fa-fa-fan. Arrête, arrête, arrête, y'a costume de tir, tu n'as fa-fa-fa. Vato, tu dois délover, j'appelle pas copie pour bloc, bloc. Ferme ta luxe, suce mon glock, glock. Bleu, bleu, bleu, mother, motherfucker. Depuis qu'on déteste, j'avance, j'ai pas reculé. Même en temps de paix, j'fais la guerre, si tu kiffes pas, va te faire enculer. Fato, ça joue les 6 gros, allez entendre, c'est tous des divans. Ces bâtards, pas au Kosovo, arme de l'Est sous le divan. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Fato, ça joue les 6 gros, allez entendre, c'est tous des divans. Ces bâtards, pas au Kosovo, arme de l'Est sous le divan. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Terrain connaît pas la paix, tu parles de trêve, mais trêve de quoi? De trêve, mais trêve de quoi? Ici les types rêvent de quad, de 9 mm, d'une grosse pute sur les sièges arrière. Défoncer les barrières, qu'on passe sur l'équipe de France pour faire carrière. Boum, bim, pala, boum, boum, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Tu parles de nous, tu parles de nous, mais toi t'es fait. Mais toi t'es ils sont bons qu'à faire les mules. Envoie les Américos, tes rappeurs préférés par deux big rap, mais ont des têtes de toxico. Après ça joue les grossistes, putain c'est trop marrant. La rue c'est la mer, j'pilote le yacht, pour faire du catamaran. 1-0 là-bas, l'autre sens, victimise de beat comme une baffe en pleine gueule. On rêve tous de la même chose, j'crois que c'est de baiser une belle queue. On rêve tous de quoi? De baiser une belle queue. De baiser une belle queue. De baiser une belle queue. On rêve tous de quoi? De baiser une belle queue. De baiser une belle queue. De baiser une belle queue. Fato, ça joue les 6 gros, allez entendre, c'est tous des divans. Ces bâtards, pas au Kosovo, arme de l'Est sous le divan. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Fato, ça joue les 6 gros, allez entendre, c'est tous des divans. Ces bâtards, pas au Kosovo, arme de l'Est sous le divan. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Allez, fais, ferme ta gueule, vas-y, vas-y, ferme ta gueule.